I'll be here to comfort you and see you through. I'll be home, I'll be home, I'll be home. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Agnès Leroux, notre invité Pascal Roverdiard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chroniqueuse judiciaire pour le journal Le Monde et auteur du livre que j'ai entre les mains, intitulé La Déposition aux éditions L'Iconoclaste. Alors, la suite de cette affaire, finalement, c'est là où votre livre commence. Alors, on l'a vu lors du procès en appel en 2007, Maurice Agnelet est condamné, alors qu'il avait été acquitté en première instance. Le 10 janvier 2013, un autre élément arrive, qu'on n'avait pas inclus dans le récit, que je donne maintenant. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour ce procès en appel. Alors, elle ne juge pas sur le fond de l'affaire, mais elle souligne de nombreuses incertitudes, et notamment une incertitude majeure. L'acte d'accusation de meurtre n'est pas formellement établi, et pour cause, on le rappelle, il n'y a pas de cadavre. En tout cas, pas de cadavre retrouvé. Donc, en 2014, il y a un nouveau procès. Troisième procès. Et là, il y aura un coup de théâtre que vous allez nous donner dans une petite minute. Mais d'abord, quelle était l'atmosphère du procès, de ce troisième procès? Il faut imaginer, on arrive à Rennes, donc moi j'ai suivi les deux premiers procès, celui de Nice, celui d'Aix-en-Provence. Et là, on est à Rennes, c'est ça? On est à Rennes en 2014, beaucoup, beaucoup de temps passé. Moi, personnellement, j'y crois plus. Je pense qu'à un moment donné où je me dis, bon ben voilà, c'est trop tard, quoi. Il faut que la justice arrête. Maurice Agnelet a 76 ans. Quand on le voit monter les marches, il s'appuie sur l'épaule de son fils. Il a l'air d'un vieillard. Il est méconnaissable. Il était encore très très élégant à Nice et à Aix. Et là, on voit un espèce de vieillard au teint cireux, avec une barbe blanche, en survêtement noir et vraiment un vieux monsieur qui s'affale ensuite dans le box, qui comparaît libre puisqu'il a été remis en liberté. Et on se dit, bon, voilà, moi je viens parce qu'on n'est plus qu'une poignée à suivre cette affaire qu'on a suivie depuis le départ dans les procès, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut la boucler, mais très franchement, je pense qu'on n'y croit plus trop. Puis surtout, on se dit, c'est trop tard, voilà, elle passionnera plus personne. Bon, et bien c'est là qu'arrive le coup de théâtre. Alors, quel est donc ce coup? Oui, je parle de coup théâtre, pas pour rendre les choses absolument sensationnelles, mais dans un procès, une chronique judiciaire, quand il se passe quelque chose, c'est un coup théâtre, un élément de scénario important. Alors, qu'arrive-t-il? Ce qui se passe, c'est que ce procès donc dure 4 semaines comme les précédents, et les 3 premières semaines se sont passées. Maurice Agnelet, au départ était arrivé comme ça, comme un personnage très fatigué, très vieux, qui était un petit peu la stratégie de la défense, en fait, modifie complètement et fait réapparaître sa personnalité complètement impressionnante, angoissante. Je veux dire, c'est vraiment un personnage assez terrifiant, quoi. Et donc tous les éléments, Pourquoi il est terrifiant? Parce que il est toujours décalé, il ne répond pas comme il faut, il est glaçant, il est ironique, c'est un cauchemar pour son avocat, Maurice Agnelet. Et surtout, son avocat lui avait conseillé cette stratégie-là, c'est-à-dire qu'il devait être, c'était un vieux monsieur et qui montrait effectivement l'acharnement de la justice sur ce vieux monsieur. Et en fait, au deuxième jour, il est sorti comme un diable de sa boîte, quoi. Et donc, on voit les jurés qui étaient pour certains, dont je me disais que certains d'entre eux étaient à peine nés quand l'affaire a commencé, qui commencent à se passionner pour cette affaire, parce qu'il était loin pourtant. Et puis surtout, il y a énormément d'éléments de charge quand même dans ce dossier. Là, vous en avez évoqué plusieurs. Il y a évidemment le mot, il y a l'argent. Enfin bon, il y a beaucoup, beaucoup de charges. Oui. Il n'y a pas de cadavre, mais il y a beaucoup de charges. Et donc, les choses avançaient et on allait... Enfin, le dossier était assez accablant pour Maurice Agnelet. Mais bon, on arrivait à la dernière semaine. Les débats devenaient un petit peu ennuyeux. On avait vu les principaux témoins. Et ce lundi matin-là, je ne me presse pas trop pour arriver... La routine, quoi. La routine. Le verdict est prévu pour la fin de la semaine. Et tout d'un coup, l'audience s'ouvre et le président de la cour d'assises d'abord appelle l'un des fils de Maurice Agnolet, Thomas, son fils cadet, et lui demande de sortir de la salle, lui demande de laisser son téléphone portable. Enfin, donc on se dit qu'est-ce qui se passe. Et une fois que Thomas est sorti, il nous dit voilà, j'ai reçu hier une déposition de Guillaume Agnolet, le fils aîné de Maurice Agnolet, qui souhaite être entendu par la cour d'assises. Il a des choses à nous dire. Et il lit la déposition que Guillaume Agnolet est allé faire la veille chez un procureur de la République à Chambéry. Et dans cette déposition, Guillaume Agnolet dit « Voilà, j'ai un cas de conscience à vous déposer. Je suis convaincu que mon père est bien le meurtrier d'Agnès Leroux. » Et il livre trois souvenirs, trois phrases de son père, terribles, qu'il date. Et il dit « Voilà, je suis prêt à être entendu dans la cour d'assises. » Et tout d'un coup, ce fils qu'on avait vu soutenir son père... Oui, et on l'entendra d'ailleurs. Deux premiers procès. Oui, c'est bon. Accuse son père, et on sent que, voilà, tout bascule, tout chavire. Qu'est-ce qu'il dit ? Et ce fils dit, j'ai trois souvenirs. La première fois, j'avais 14 ans, mon père était en train de regarder son dossier comme il a passé sa vie à regarder son dossier, à regarder toutes les pièces. Et il a levé les yeux vers moi, et il m'a dit, tant qu'il ne retrouve pas le corps... Je suis tranquille. Et il a ajouté, et moi le corps, je sais où il est. Ouais. Ça c'est le premier souvenir qu'évoque Guillaume Agnolet. Le deuxième souvenir c'est un peu plus tard, il a un frère aîné qui vient de mourir, sa mère est dans une détresse folle. Et les parents sont séparés, elle convoque Guillaume dans sa chambre. Guillaume a toujours choisi son père dans la séparation du couple. Et elle lui dit, il faut que tu saches qui est vraiment ton père. Et elle lui annonce, c'est lui qui a tué Agnès Leroux. Je tiens cette confidence de Maurice lui-même. Ça s'est passé effectivement à la Toussaint 77. Ils sont partis ensemble en Italie, sont allés à Monte Cassino. Et là, ils ont pris une petite route de campagne. Il l'a tué d'une balle dans la tête. Ensuite, il est rentré avec sa voiture. Il a laissé sa voiture dans une gare à la frontière en Italie. Et il est rentré à Nice. Et le troisième souvenir qu'évoque Guillaume, c'est un peu plus tard, c'est au moment où Françoise Losseur est convoquée après avoir... Enfin, où Maurice Agnolet, pardon, est convoqué parce que Françoise Losseur lui a retiré son alibi. Les fils vont chercher leur père à l'aéroport de Genève. Et le père, immédiatement, redit ça, reparle de cette affaire et dit « Tant qu'il ne retrouve pas le corps, je suis tranquille. Et moi, le corps, je sais où il est. » Et il dit ça devant ses deux fils. Alors, on essaiera de comprendre le revirement de Guillaume, parce qu'effectivement, vous le disiez, en 2007, il avait parfaitement soutenu son père. On va écouter d'ailleurs sa réaction après la condamnation de Maurice Agnolet à 20 ans de prison. Hein, c'était pendant le procès en appel. Écoutez Guillaume. Les derniers pas de liberté de Jean-Maurice Agnolet ce matin, toujours aussi déroutant par sa désinvolture. « Je suis étranger à cette affaire », furent ses derniers mots jurés. Après sa condamnation à 20 ans, il apparaît dans le box, souriant, décontracté. Guillaume, l'un de ses fils, se dit abasourdi par ce verdict. On n'y croit pas. On est persuadé de l'innocence. C'est même certain. Quoi. On sait que c'est un vote. C'est pas quelque chose qui définit la réalité. C'est un vote. Les gens ont voté. Mais on n'y croit pas. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce revirement ? Je me permets de vous poser la question, parce que en quatrième de couverture de votre livre, il est écrit « C'était l'histoire d'un secret de famille, personne n'avait rien su, rien deviné. J'avais la scène sans les coulisses, la lumière sans les ombres. J'ai voulu comprendre, alors j'ai écrit de longues lettres à Guillaume Agnolet, et tout a commencé. » Voilà, donc vous connaissez bien Guillaume Agnolet. Oui, c'est-à-dire que bon, je suis chroniqueur judiciaire depuis longtemps. J'ai vécu des moments extrêmement forts, extrêmement passionnés, extrêmement violents. Je pense que je n'en avais jamais vécu d'aussi terrifiant que celui-ci. Il faut imaginer ce que c'est qu'une cour d'assises. Il faut imaginer l'espace extrêmement étroit d'un prétoire quand Guillaume arrive, quand il va affronter son père qui est dans le box, quand il va affronter son frère qui va lui être les deux frères ne sont pas d'accord, donc le frère va lui être confronté, quand il va affronter par un écran interposé sa mère, quand nous sommes tous là derrière dans le public, quand il va devoir répondre aux questions du président, et quand cet homme qui a 45 ans seul va venir déposer un secret de famille qu'il garde depuis 30 ans. Et je pense qu'il n'y a rien de plus violent qu'un secret de famille, mais l'explosion d'un secret de famille en public, avec en plus, je dirais évidemment, au bout du compte, la condamnation de son père, c'est quelque chose de terrible, d'absolument terrible. Et je pense que tous ceux qui ont vécu ces moments-là ne l'oublieront jamais. N'oublieront jamais la violence de ces instants-là. Je pense qu'on est allé vraiment à la limite supérieure de ce qu'on peut faire à un homme et ce qu'on peut supporter, je veux dire, psychologiquement, comme... Parce qu'il n'est pas coupable, je veux dire, il n'est pas accusé. C'est un témoin. Ouais. Donc la violence sur un témoin, c'est quelque chose de très, très particulier. Qu'est-ce qu'il a voulu soulager sa conscience, tout simplement? Et en fait, évidemment, quand il arrive, tout le monde doute de lui, parce que, je veux dire, d'abord ceux qui ont suivi le procès l'ont vu soutenir son père. Mmh. Il va faire une déposition extraordinairement forte, parce que, en fait, il ne va jamais vouloir convaincre. Paradoxalement. Vous savez, quand on veut convaincre, finalement, on essaye toujours de... On veut tellement faire bien qu'on va limer des aspects, on va tordre parfois un petit peu ses souvenirs. Et il va être toujours absolument extrêmement calme. Il va dire, écoutez, voilà, oui, j'ai soutenu mon père, bien sûr. Il va expliquer pourquoi il a soutenu son père. Il va dire, parce que c'est mon père. Oui, c'est... Et il va expliquer comment il a vécu toutes ces années-là. Il va expliquer que ça fait que depuis qu'il est gosse, il a vécu avec cette affaire. Quand son frère va lui être confronté et que son frère va le démentir et qu'on va lui demander de réagir, il va dire, ce Thomas va dire, moi, ces trucs-là, je ne m'en souviens pas. Ces phrases-là, je ne m'en souviens pas. Quelle va être la réaction de Guillaume Manuelet? Il va dire, il ne s'en souvient pas comme je l'envie. Bien sûr. À chaque fois, si vous voulez... Il ne va pas essayer, il y aura aucune haine, il y aura aucune violence. Il va simplement, on a ce sentiment, c'est au sens propre la déposition, mais ce qui va être le plus frappant, c'est que cet homme-là vient poser effectivement un fardeau. Et il laisse ça, et il ne dit pas, c'est moi qui ai raison. Il dit, voilà, ça fait 35 ans que je vis avec ça, je vous le confie, absolument. Je vous le donne. Et là, le public, les avocats, la cour, les jurés, vous voyez... Dans leur regard, ils sont captivés, effectivement, ils le croient. On est tous complètement captivés, mais finalement, c'est là aussi la force de la cour d'assises, c'est la force du contradictoire. Ce n'est pas simplement un homme qu'on croit. On ne croit pas simplement les mots qu'il prononce. On voit la manière dont les avocats, et notamment l'avocat de son père, se comportent avec lui. Ouais. Celui qui est le plus sidéré par la déposition complètement surprise de Guillaume Magnolet, c'est l'avocat de Maurice Agnolet, c'est François Saint-Pierre, qui connaît très très bien Guillaume, qui travaille depuis des années avec ce fils aux côtés de son père, qui n'avait pas fait venir Guillaume Magnolet à ce procès, à tous les autres procès. D'ailleurs, le président avait dit, mais pourquoi est-ce que Guillaume n'est pas venu cette fois? Et Thomas avait répondu, bon, mon frère s'est éloigné de la famille... Et on s'était pas posé davantage de questions. Et en fait, on voit très bien que François Saint-Pierre va être tellement impressionné par la puissance du témoignage de Guillaume Magnolet qu'à aucun moment il va, je veux dire, l'agresser, lui rentrer dedans, etc. Donc il va rentrer dans rien de contradictoire. Non. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que voyant la tragédie familiale qui est en train de se faire, l'avocat de Maurice Agnolet va se tourner vers son client et va lui dire, il serait peut-être temps de dire quelque chose, Maurice, de dire votre vérité. C'est un appel à l'aveu. Et là, comment se comporte Maurice Agnolet? C'est un interrogateur absolument incroyable. Il est dans un face-à-face avec son avocat et il y a un moment de tension d'une dramaturgie inouïe et on s'attend à quelque chose et Maurice Agnolet se retourne vers son avocat avec cette voix flûtée, comme ça, pointue. Il va dire, mais quelle est la question? Alors, vous parliez de tragédie familiale, presque une tragédie grecque, parce qu'en plus ça se passe dans un prétoire, et donc c'est un lieu public, hein, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est un lieu public. Et on va écouter la déchirure familiale exprimée simplement par Thomas, maintenant, l'autre frère. Écoutez. Moi, je pense que mes parents n'ont pas eu cette conversation avec Guillaume. Peut-être qu'il a l'impression de dire la vérité, mais c'est qu'une impression. Et je sais qu'il est très fragile psychologiquement, qu'il a pas mal de symptômes de maladie mentale obligatoirement et que s'il a peut-être l'impression de dire la vérité, mais c'est pas la vérité, c'est sa vérité d'un cerveau malade. On a eu la même enfance et on a eu le même vécu avec cette histoire, hein, Mais il faut se rendre à l'évidence que on n'a pas la même capacité, résilience. Lui et moi, il a sa force intellectuelle qui est peut-être un peu plus faible que la mienne. Moi, j'ai pas encore craqué, alors que dans cette histoire, familialement, tout le monde a craqué. Vous soutenez toujours votre père ? Et je le soutiendrai tout le temps. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui amène une preuve et pas un témoignage, 37 ans après, où c'est quand même l'évidence que c'est un lavage de linge sale en famille qui se passe à la barre. Guillaume, qui cherche à soulager sa conscience, il entraîne avec lui toute une famille dans un gouffre que lui seul a choisi de creuser. Au départ, il charge pas son frère, mais très vite il le charge, hein, cerveau malade. Ouais. Et puis il nous emmène dans l'abîme, quoi. Ouais, toute la famille. Ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est qu'il parle, il parle de résilience. Ouais. Oui, c'est bon. Là, c'est en plus c'est à l'extérieur. Ce qui était la confrontation des deux frères était effectivement terrible et vraiment bouleversante. Je pense que. En fait, ce qui s'est passé après, ce qu'on a tous compris, c'est que, et c'est aussi ce que j'ai compris en allant voir Guillaume Magnolet après, pour essayer de comprendre pourquoi il avait fait cette déposition, c'est que la famille, en tout cas, évidemment, Maurice Agnolet le premier, la mère des trois des enfants et Thomas, savait que Guillaume voulait parler. Ça fait en fait, et c'est là l'histoire du livre, c'est l'histoire de la déposition, c'est qu'en fait ce garçon se tapait la tête contre les portes symboliquement depuis des années parce qu'il n'en pouvait plus, il étouffait dans ce secret. Et il explique ça très très bien d'ailleurs, il dit qu'en fait s'il avait eu la certitude que entre eux ils pouvaient parler de l'affaire, c'est-à-dire quand il dit finalement c'est une guerre, bon si entre nous on peut en parler comme des anciens combattants, ok c'est bon, mais il va s'apercevoir que plus personne ne veut se souvenir de ce qu'il évoque, plus sa mère ne veut plus dire qu'elle lui a raconté ça, son frère fait mine de ne pas se souvenir. Et Guillaume se retrouve tout seul avec son secret. Et à un moment donné, il prévient sa famille, il dit « je vais parler ». Et ils vivent tous dans la terreur qu'il va parler. Donc en fait, pour nous tous, c'est une surprise, mais pour eux, c'est pas du tout une surprise. Eux savent qu'il n'en peut plus et qu'il va venir déposer. Enfin, ils ne savent pas qu'il va venir déposer, ils savent qu'il menace en permanence de venir déposer parce qu'ils sentent qu'il est à bout. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, moi, dans cette déposition, c'est que ce garçon aurait pu aller venir chez vous, aurait pu aller sur un plateau de télévision. Et il est venu là, il est venu dans un prétoire, oui. Il est venu affronter son père en direct, il est venu affronter sa mère en direct, il a pris tous les risques. C'est une vraie dimension, hein, c'est pas... Ça se termine comment le procès, d'ailleurs ? Ça se termine par la condamnation de Maurice Agnolet à 20 ans de réclusion criminelle. Et aujourd'hui, que fait-il ? Aujourd'hui, il a donc 78 ans, et il est presque à mi-peine, donc sa sortie de prison est, disons, imminente. Hein. Merci, en tout cas, merci Pascal Robert Diard pour cette histoire, effectivement, absolument passionnante. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Agnès Leroux, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.